classiques. Plus de rock. Plus de fun. 98.9. Énergie. Des classiques immortels. Classique. Un show sans filtre. Le rock vit ici. Rock and roll. L'unique show 100% rock en ville. The Rock Show. Rock Show. Avec Phil Branch. Comment ça va? Bon vendredi, content de vous retrouver pour une dernière fois cette semaine dans le Rock Show. Yes! Comment s'est passé votre semaine? Êtes-vous content là, de, qu'on soit enfin le Black Friday? Il y a des aubaines partout. Est-ce que vous êtes dans le magasinage? Je veux tout savoir. Textez-moi sur la messagerie texte au 6-12-12. Dylan Biscuit, Vilain Pingouin, Tragically Hips. On va avoir du U2 également dans les prochaines minutes. La toune, t'es pas game et on commence ça immédiatement avec un classique de l'été 2001, été où il avait fait particulièrement très, très chaud. Et la formation Sum 41 débarquait sur toutes les radios de la planète avec leur premier single. Ça a été tout un hit. Voici Fat Lips sur Énergie. Attention that we crave, don't tell us to behave. I'm sick of always hearing that you rage. I don't wanna waste my time, become another casualty of society. I'll never fall in line, become another victim of your conformity. Back down. Because you don't know us at all. We laugh when old people fall. People's expense and treading people down is just a minor offense, and it's none of your concern. I guess I'll never learn. I'm sick of being told to wait my turn. I don't want to waste my time, become another casualty of society. I'll never fall in line, become another victim of your conformity. Back down. You know when. Don't count on me, I'll do it again. Drinking abortion. The dentist in my mouth should have had an abortion. Abortion. prolongée du rock show avec Phil Branch peut provoquer une envie incontrôlable de air guitar. Le rock show avec Phil Branch. Amplifié par énergie. With a pocket of high, if you listen close, you can hear him cry. Oh Lord, heaven knows we belong way down below. Sing it. Oh Lord, heaven knows we belong way down below. Way down below, way down below. Judy's in the front seat picking up trash. Living on the dole, gotta make that cash. Won't be pretty, won't be sweet. Just sitting there on her feet, singing, oh Lord, heaven knows we belong way down below. Go. Placez votre demande du vendredi pour le TPA Game Phil. Vous avez envie d'entendre quoi? Textez-moi en grand nombre. Je veux beaucoup de textos sur la messagerie texte au 6-12-12. Big Rex s'en vient dans les prochaines minutes avec Believer, mais pour l'instant, la formation canadienne de Tragically Hip. Voici Ahead by a Century sur Énergie. First thing we climb a tree, and maybe then we talk, or sit silently and listen to our thoughts. Illusions of someday, cast in a golden light. No dress rehearsal, this is our life. And that's where the we'll disappointing you's getting me down. Énergie te rappelle que si tu veux pas que ça dérape autant sur la route que dans un coup de 16h20, ça rentre au poste. Oh, OK, mon Dieu, ouais, je vois. Dépêche-toi de changer tes pneus d'hiver. T'as jusqu'au 1er décembre pour le faire. Énergie. Trépanier de Trois-Rivières. Salut mon chum, merci pour ton texto qui est rentré sur la messagerie texte au 6-12-12. Il me dit, Phil, le T-Pa Game à soir, ça me ferait du bien. Megadeth, hein, pour aucune raison, mais du Megadeth. Toujours bon. Voici Symphony of Destruction dans le Rock Show sur Énergie. You take a mortal man and put him in control. Watch him become a god. Watch people's heads a roll. Can't complain, doing backflips on a candy cane. Ride my scooter with with a cape at night, and I'ma high-five me a traffic light. I blink twice, then I teleport. Got kicked out of the Trump Resort. Bought this cloud on a payment plan, then I ghosted out in a minivan. Mic in my hand like a waffle cone, spitting out syrup in the Twilight Zone. Got no job, but I'm on the clock, and you can't stop me, cause it's your own stop. Hey, lady. The pepper gon' pop. Told my cap it's the CEO. Then I moonwalked in a UFO. Mic my shoes with a Christmas wreath. Dropping these bars while I brush my teeth. Flipping this verse like a boomerang. Landed on stage and you backpack filled with a new disease. Telling my doubts I'm hard to please. We don't care, we bounce on clouds. Sing off key and we're still too loud. Biscuit drops, the place explodes. Jumping through life in my pantyhose. Still no job, but I'm on the clock. And you can't stop me, cause it don't stop. Hey lady. I see through your act and I still enjoy the show. Yeah. Je crois que tu seras toujours là en moi. toi, tu seras toujours là en moi. Et ces nuages qui planaient au-dessus de ta tête, cette cage qui te gardait comme une bête. Quand t'as décidé, t'as pas pensé à nous. Maintenant je reste seul à l'air, regarder, remplir le trou. Et j'entends: bon ben salut, salaud. Pensez à toi quand on dit bravo. J'espère que je t'en voudrais, t'es pas trop. Bon ben salut, salaud. Je crois, tu seras toujours là en moi. Je crois, tu seras toujours là en moi. Je crois que tu seras toujours là en moi. Hey, je crois que tu seras toujours là en moi. Bon ben salut, salaud. Je pensais à toi quand on dit bravo. J'espère que je t'en voudrais, mais pas trop. Bon ben salut, salaud. Rock Show. Merci de faire confiance au Rock Show soir après soir, du lundi au vendredi, pour un 90 minutes bien rocké. Bien rocké, c'est bien dit, hein? Ouais, j'ai décidé que c'était, on faisait comme un verbe, de même. Je veux saluer David qui est sur la route présentement, qui s'en retourne à la maison. Merci d'être là. Sylvain Bessette, chez mes amis de chez Soriandé. M'écoute, s'en va en vacances en Floride, le chanceux. Merci d'être à l'écoute d'Énergie. Profite des quelques rayons de soleil. Il y a Sabrina qui, elle, dit en fin de semaine, c'est le sapin. Les enfants sont chez leur père. Quand ils vont revenir lundi, le sapin va être fait. Ah, c'est bon, c'est une bonne stratégie, ça. Ça évite bien du trouble. Merci pour vos textos. Continuez de me texter sur le 6-12-12. Et au retour, on se gâte avec Pearl Jam. C'est Even Flow qui s'en vient. Oh, yes! Tu pensais que c'était intense? Attends de voir ce qui s'en vient. Le Rock Show. Énergie. Ready. Chaque semaine, restez dans l'action avec le podcast Rudesse Excessive. Il réussit à performer peu importe qui lance. Une des raisons pourquoi Jimmy G n'a pas d'argent, c'est que le cash va aller là. Rudesse Excessive vous promet un solide kick-off avec un nouvel épisode disponible tous les vendredis à midi. Les gros jeux vont tous passer par lui, oui. Ça passe tous par lui. Une présentation de XPN. Peu importe le sport que vous pratiquez, XPN a le produit qu'il vous faut pour optimiser vos performances. XPNworld.com. Le balado Rudesse Excessive, disponible sur l'application iHeartRadio et à iHeartRadio.ca. Ici Isabelle Villot, en lien avec des travaux longue durée, des fermetures longue durée toujours en vigueur, comme la fermeture d'une voie sur deux dans la bretelle de sortie Henri IV Nord vers le boulevard Laurier et dans la bretelle de sortie du Plessis Sud vers le boulevard Laurier. Également, au niveau de la capitale ouest, entre Robert Bourassa et Henri IV, en circulant tout temps sur des voies déviées. Magasinez durant le solde du Vendredi fou chez Canadian Tire et économisez jusqu'à 60 % avec nos plus bas prix de l'année du 27 novembre au 7 décembre. Conditions et détails en ligne. Chez Sport Expert Atmosphère, c'est le Vendredi fou. De vendredi à lundi, profitez de 20% de rabais sur plus de 400 marques. Prêt pour un hiver à prix fou. Détail en magasin. Fermons, le Château Frontenac vous simplifie la vie avec ses menus des fêtes pour emporter. Profitez du raffinement culinaire de la Brigade du Château à la maison. Goûtez le bœuf Wellington, la dinde ou encore la délicieuse épaule d'agneau. Commandez au château-frontenac.com. Un problème juridique vous trotte dans la tête? La tentation est forte de faire appel à l'intelligence artificielle pour y voir plus clair. Mais l'IA n'a pas toutes les réponses. Il arrive même qu'elle propose les mauvaises. Se fier uniquement à l'IA n'est pas sans risque. Faites appel à l'expertise d'un avocat capable de comprendre et d'analyser votre situation spécifique. Ou encore, consultez la clinique juridique du Barreau du Québec pour clarifier votre situation. Une solution gratuite et accessible à tous. À l'ère de l'IA, n'oublions pas l'IH, l'intelligence humaine. Allô tout le monde, c'est votre sommeil. Alors l'équipe Santé Bien-être de Dormez-vous m'a demandé de vous parler de toutes nos petites folies, parce qu'on en fait tous, hein, j'en fais des folies, vous en faites des folies vous aussi. Dormez seulement un 3-4 heures par nuit, ça c'est fou ça. Endurer un matelas fini par pure nostalgie, ça c'est très très fou ça. Mais manquer le vendredi fou alors que vous êtes tellement fatigué que vous êtes en train de virer fou, là, vous avez vraiment l'air fou. Pendant le vendredi fou, obtenez 30% de rabais sur presque tout. Toutes ces folies, ça se passe seulement chez Dormez-vous. Des conditions s'appliquent pour un temps limité. C'est fou chez Trévis, avec des spéciaux complètement fous ce week-end dans tous les supermagasins. Et en plus des prix fous, recevez des points récompenses bonnies, des cadeaux surprises et la garantie du meilleur prix. C'est le meilleur moment de réserver dès maintenant votre date d'installation au printemps pour votre piscine hors terre ou creusée, votre spa ou votre pavillon outdooring. Jusqu'à 50% de rabais sur les produits sélectionnés. Les quantités sont limitées. Premier arrivé, premier servi. Ne manquez pas l'événement prix fou ce week-end dans tous les supermagasins Trévis. Les rabais du Vendredi fou sont de retour chez Aubainerie. Chez qui? Chez Aubainerie. Oui, jusqu'au 1er décembre, profitez de 30% de rabais et plus sur tout pour toute la famille, en magasin et en ligne. Faites-vous plaisir avec Aubainerie. On vous attend. Mes offres pop du Vendredi fou sont à la SAQ. C'est l'occasion de profiter de grandes économies en combinant nos rabais en circulaire à vos offres personnalisées Inspire. Autrement dit, mes offres pop, c'est des prix pas pire pantoute sur plein de produits puis un paquet de points inspirants en plus. Ouh! Mais faites vite, c'est pop pour longtemps. Découvrez vos offres pop sur l'appli SAQ, dans l'infolettre ou avec votre conseiller ou conseillère. SAQ, le goût de partager. 18 ans et plus, détails dans SAQ.com. Pour célébrer le Vendredi fou, Les Tourneaux vous offre des promos qui ont du chien. Du 27 au 30 novembre, Les Tourneaux paient les taxes sur les accessoires pour chiens et chats, tels que les os, jouets, suppléments et plus. Économisez aussi 20% sur le foin, la nourriture, ainsi que les accessoires pour vos rongeurs. Procurez-vous deux sacs de litière pour chat Otterlock de 12 kg et épargnez 6 $. Rendez-vous en boutique ou en ligne du 27 au 30 novembre. Détails sur lestourneaux.com. En pleine face, qui sait pas quand on va se revoir. Faut que j'attende qu'il me rappelle. Quand monsieur va être prêt, je suis découragée. Va chez Sainte-Fun, des zéros attentes pour mettre la main sur un Tucson. Location 48 mois, zéro comptant. À partir de 108 $ par semaine pendant l'événement, le plus bel arrêt. Attends pas ni après les autres, ni que la neige arrive. Sainte-Fun, très hâte de le rencontrer. Pour les jours fous cette année, la circulaire m'a amené des rabais et des bas prix. Profitez du bœuf haché maigre au format économique à 4,99 la livre ou 11 $ le kilo et de la chopine de bleuets et les murs 340 grammes à 2,98. Jusqu'à samedi, profitez du bacon sélection 375 grammes à 3,88. Prends de l'avance sur la popote des fêtes pendant les jours fous. C'est pas fou, hein? Pour économiser temps et argent sans sacrifier sur la qualité, on se retrouve chez Métro et en ligne sur métro.ca. Les conditions s'appliquent. Détails en magasin. Vendredi fou chez Bleu Feu. Des billets de spectacle en rabais, ça te parle? Du 28 novembre au 1er décembre, économise 25% sur les spectacles sélectionnés à l'Impérial Bell et au Grizzly Fuzz. Plus d'une trentaine de noms, dont Claude Pelgag, Les Trois Accords, Gab Bouchard, The Sheepdogs, Camaro, La Bottine Souriante, Vulgaire Machin et beaucoup plus. L'occasion idéale de faire plaisir à tes proches ou à toi-même. Fais vite, les quantités sont limitées. Billets en vente au bleufeu.com, promotion en vigueur du 28 novembre au 1er décembre, 23h59. Une présentation de Bleu Feu. Conduire après avoir bu. Non. Marcher 5 km à 2h du matin. Non. Ne pas avoir votre taux le lendemain. Oh non. Prendre TZ Capital National. Ah oui. C'est votre service de raccompagnement 365 jours par année grâce à la présence de chauffeurs volontaires. Faites le choix le plus simple. On vous accompagne, vous et votre voiture, en toute tranquillité. Rentrez en sécurité, profitez pleinement. TZCapital.com, avec la contribution financière de la Société de l'assurance automobile du Québec. Québec sur iHeartRadio. Vivez vos samedis et dimanches avec énergie et les plus gros classiques. Dès 11h, place au rendez-vous de la fin de semaine. Weekend Énergie. Plus de classiques. Plus de fun. 98.9. Énergie. something that has never showed him anything. Stands a weather of the winners on his way. Oh, feeling few and far between all the legal halls the same. Yeah. Even so, thoughts are red like butterflies. Oh, we don't know. So one shot, won't get it again. fed. All eyes on truth, I'm hell-bent. I can't sit here wasting my time, my life, can't fake this. Brain dead, brain rot, spoon-fed. All eyes on truth, I'm hell-bent. I'm helping. One life, I got one chance, got one shot. Open it again. I don't wanna waste it. Break up, feeling brain dead. One life, one chance, one shot. One shot, open it again. I don't wanna waste it. Break up, feeling brain dead. Break up, feeling brain dead. Et la gravité affamée, il n'y a aucun filet. En dessous de tes pas, tu as tout ton poids. Le vide a tout son temps, et la lourdeur de ton tourment te déshabille parfois. Sur un tambour, les yeux vers le bas, tu as le ciel subitement, tu l'élèves là-haut, au-dessus des moyens de tes affaires, tu sais si bien le faire, tu sais si bien le faire. C'est le Rock Show sur Énergie. Je vous souhaite un excellent début de soirée. Merci d'être là. Dans les prochaines minutes, c'est le segment 1, 2, 3 Punk. Et vous savez, dans le monde du punk, des collaborations entre des artistes, ça se fait, mais pas tant que ça. C'est pas aussi populaire que dans la pop musique où Rihanna va chanter avec à peu près toutes les chanteuses. Même chose pour Lady Gaga. Puis là, tout le monde chante avec tout le monde. Dans le rock, on l'entend, mais c'est moins fréquent. Et au tournant des années 2010, le groupe canadien Billy Talent était en pleine tournée avec la formation Anti-Flag. Et les deux bandes ont décidé de faire une toune conjointe que je vous ai jouée à l'époque à la radio. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas entendue. Et au retour, ce sera ma toune 1, 2, 3 Punk du vendredi. On se gâte un peu avec Billy Talent, Anti-Flag et Turn Your Back. Bon, ça. L'épicentre du rock est ici. Le Rock Show. Énergie. Le 98.9 Énergie vous envoie au parc Jean-Drapeau à Montréal pour voir Iron Maiden. Et sur scène avec eux, nul autre que Megadeth et Anthrax. You'll take my life, but I'll take yours too! Un show unique à voir le 3 septembre prochain. Rendez-vous dans la section concours du radioénergie.ca pour gagner vos places et vivre toujours plus de rock grâce au 98.9 Énergie. Ici Isabelle Villot, en lien avec des travaux longue durée, on a toujours cette fermeture d'une voie sur deux dans la bretelle 40 Est vers la 40 Est. On a également la fermeture d'une voie sur trois sur la 440 Est entre Dufresne-Montmorency et le pont de l'île d'Orléans, avec fermeture d'une voie sur deux dans la sortie qui mène aux routes 368 et 138. Attention, e-box te laisse 4 jours pour profiter d'un mois gratuit en t'abonnant au forfait Internet Fibre, 1 gigabit par seconde à $55 par mois, seulement au e-box.ca. Le 7 décembre, vivez toute une soirée sur Nouveau. À 18h30, on commence la fête avec Big Brother, le nouveau réveillon. Parmi les célébrités qui se prêteront au jeu, Karine Vanasse, Jean-Philippe Perra et Dominique Paquet. Le chaos est déjà installé. Dès 20h, célébrez le meilleur du 7e art avec Phil Roy au 27e Gala Québec Cinéma. Ça va être un méchant party. Vous êtes tous invités. C'est un rendez-vous le dimanche 7 décembre sur Nouveau et sur Crave. On n'attend pas plus. C'est parti! C'est Vendredi fou et personne n'offre de meilleurs rabais que Linen Chest. Des soldes incroyables. Épargnez jusqu'à 75% sur les ensembles de draps 100% coton à partir de seulement $29.95. Épargnez 50% sur la machine à glace automatique Coolatron pour un prix fantastique de $115. Et épargnez $1,100 sur la machine à espresso cappuccino entièrement automatique Eletta Evo par DeLonghi. Cet incroyable solde du Vendredi fou est présentement en cours dans tous les magasins Linen Chest. En assurant votre véhicule commercial avec Beneva, vous êtes accompagné par des experts. Et en plus, quand vous êtes servi par du bon monde de même, vous avez un peu l'impression de parler à une amie. Parfait, parfait. Je confirme donc l'assurance pour votre véhicule de livraison. Est-ce que je peux faire autre chose pour vous aujourd'hui? En même temps que je vous parle, je magasine aussi des petits sapins sans bombe, mon camion. Vous, là, entre Noisette Hivernale puis Boulot Santo. Boulot Santo? Ouais, c'est ça que je pensais. Pour votre assurance entreprise, comparez-nous. Ça vaut le coup. Beneva. Un livre audio de La Guignolée des médias, lu par Anne Dorval. Chapitre 1. Il était une fois une mère monoparentale. Soudain, elle n'arrivait plus à payer ses factures. Faim. La faim est si vite arrivée. Plus de 500 000 personnes demandent de l'aide alimentaire chaque mois. Si vous le pouvez, donnez chez Maxi, Provigo, les concessionnaires Nissan ou à guignolée.ca. Depuis toujours, les enfants sont bienvenus au Siberia Spa chaque matin durant la période des fêtes et chaque dimanche de l'année. Rendez l'expérience encore plus magique avec 30% de rabais sur le forfait Instant Magique. Détails au siberiaspa.com. Je dois vraiment réduire mon temps d'écran. Pendant la cybersemaine, Sephora, sérieux? Je sais, j'ai ajouté Supergoop et Valentino à mon panier et je magasine encore. Je suis allée chez Sephora chaque jour cette semaine pour Living Proof Inners et je suis repartie avec zéro regret. 30% de réduction sur différentes marques chaque jour, je comprends pourquoi tu y retournes. Et 50% de réduction sur plus de marques lors du Vendredi fou. Ah, c'est la meilleure semaine. La cybersemaine est en cours. Aubaine quotidienne toute la semaine et jusqu'à 50% de réduction sur certains essentiels. Prends fin le 4 décembre. Des exceptions et modalités s'appliquent. En ligne sur Sephora.ca ou en magasin. Pour célébrer le Vendredi fou, Les Tourneaux vous offre des promos qui ont du chien. Du 27 au 30 novembre, Les Tourneaux paient les taxes sur les accessoires pour chiens et chats tels que les os, jouets, suppléments et plus. Économisez aussi 20% sur le foin, la nourriture, ainsi que sur les accessoires pour vos rongeurs. Obtenez 15% de rabais sur la nourriture sèche et en conserve First Choice pour chiens et chats. Rendez-vous en boutique ou en ligne du 27 au 30 novembre. Détails sur lestourneaux.com. Vendredi fou chez Bleu Feu. Des billets de spectacle en rabais, ça te parle? Du 28 novembre au 1er décembre, économise 25% sur les spectacles sélectionnés à l'Impérial Bell et au Grizzly Paws. Plus d'une trentaine de noms, dont Clopelgag, Les Trois Accords, Gab Bouchard, The Sheepdogs, Camaro, La Bottine Souriante, Vulgaire Machin et beaucoup plus. L'occasion idéale de faire plaisir à tes proches ou à toi-même. Fais vite, les quantités sont limitées. Billets en vente au bleufeu.com, promotion en vigueur du 28 novembre au 1er décembre, 23h59. Une présentation de Bleu Feu. C'est la liquidation de nos véhicules d'occasion chez Cartier Chevrolet, avec un taux à partir de 4,99% sur nos véhicules certifiés admissibles et la chance de gagner votre achat seulement chez Cartier Chevrolet, 847-6000, membre du groupe d'Aigle. Le Vendredi fou est en cours chez Brick, avec d'énormes baisses de prix dans tous les rayons. Comme 60% de rabais sur les sofas lorsque vous achetez la causeuse ou le fauteuil assorti. Jusqu'à 50% de rabais sur les matelas sélectionnés. Jusqu'à 25% de rabais sur les meubles de chambre à coucher et de salle à manger. Et jusqu'à 25% de rabais sur les tables à café, les meubles pour téléviseurs et les foyers. Plus, achetez plus, économisez plus. Obtenez jusqu'à 1 000 $ de rabais sur les gros électroménagers pour la cuisine sélectionnée. Certaines exclusions s'appliquent, détails en magasin. Ne manquez pas le Vendredi fou. Chez Brick, plus d'économies pour vous. Imina Film et Écomédia présente. Vrai que c'est juste les clubs féminins qui ont été sacrés dehors de l'aréna à cause des Napoléons. C'est moins populaire, les ligues de femmes. Une toute nouvelle comédie sportive à voir au grand écran. On va rassembler des femmes pour faire du roller derby, puis c'est moi qui vais vous coacher. On serait jamais capable. Moi, je suis fier de vous autres. Puis je donnerais n'importe quoi pour être dans vos patins à soi. On remet notre casse, on repart se battre. Faudrait qu'on se trouve un nom d'équipe. Je l'ai. Furie. Faites partie de l'équipe. Les Furies. Maintenant au cinéma. Au 98.9. Sur iHeartRadio. À Québec. Le rock vit ici. Plus de classiques. Plus de rock. Plus de fun. 98.9. And when the clock strikes 12, tell me where you're gonna be. Clean up the mess we made or watch it on TV. And if you ask to ask, then you don't have a clue. There's snow in Arizona while they're bombing in Beirut. I hope we're dead, we're dead and gone. We'd love to run everything that's wrong. We'd love to end toxic destroy. Our time will pass. If life goes on. an offer that you cannot deny. You won't be laughing when I'm making you cry. Oh, I hear the please get louder. You son of a bitch, you're gonna beg and cower. That you cannot deny. You won't be laughing when I'm making you cry. Oh, I hear the blues get louder. You son of a bitch, you're gonna bang. Thank you. screaming bird. Can't you see? Little girl's got a hold on me like glue. Baby, I'm howling for you. Throw the ball to the stick. Swing and miss and a catcher's mitt strike two. Baby, I'm howling for you. Breaking news, ce n'est pas ma dernière émission de la semaine. Pensez, hein? Non. Demain, j'ai accepté de venir remplacer mon amie Shelly Sauvé-Castonguay dans Stéréo Mike, elle qui remplace déjà Mike Gauthier. Shelly qui fait une sinusite, donc qui était vraiment pas en état cette semaine. Je disais, hey, je m'en occupe. Donc, demain matin, 9h, je serai là. Et je vais vous expliquer la théorie. Selon moi, écoutez, la musique punk rock, ça coûte beaucoup plus cher en 2026 que ça coûtait au tournant des années 2000. Manquez pas ça pour avoir tous les détails demain matin dans Stéréo Mike. Au retour, c'est mon last call, dernier de la semaine, et ce sera Rob Zombie. À demain tout le monde! Au retour, que du rock, toujours du rock. Le Rock Show. Énergie. Si chaque classique te rappelle un char, un road trip ou une soirée qui a dérapé, t'es à la bonne place. Le week-end, que des classiques, juste des classiques. Monte le son, Énergie s'occupe du reste. Demain, 11h, Énergie. Jusqu'au 3 décembre, chez Family Prix, profitez de 25% sur les soins sélectionnés Karine Jonca. Family Prix, des économies qui brillent. À quel point votre musique est-elle importante pour vous? Aussi importante que de respirer. Après un incident sur scène, le pianiste Daniel Major sombre dans l'incompréhension la plus totale. Je suis plus capable de jouer. Ça fait un bout que tu devrais être suivi par un psy. Et sa quête de réponse fait rejaillir un passé profondément enfoui. Faut me faire confiance, Monsieur Major. Je sais ce que je fais. Il y a un monstre en dedans de toi, man. Mesdames et messieurs, le prodigieux Daniel Major! Dérive, une nouvelle série originale Crave à regarder maintenant. C'est bon en Crave. C'est Vendredi fou et personne n'offre de meilleurs rabais que Linen Chest. Des soldes incroyables. Épargnez jusqu'à 75% sur les couettes alternatives au duvet au prix incroyable de 39,95 tous les formats. Épargnez 70% sur les oreillers jumbo à bande latérale au prix ridicule de 9,95. Et épargnez 80$ sur l'ensemble à fondu électrique en inox par Trudeau pour seulement 69,99. Cet incroyable solde du Vendredi fou est présentement en cours dans tous les magasins Linen Chest. Imaginez la scène. Vous dormez paisiblement. Plus maintenant. Mais c'est une bonne chose parce qu'aujourd'hui, le déjeuner, ça se passe chez McDo.

soirée avec énergie, c'est un classique. Énergie le soir. Énergie.